بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا في سيرة أنبياء الله عز وجل، وما زلنا في دراسة سيرة نبي الله سليمان عليه السلام، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وبعد، donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur la suite de notre assise, de notre cours concernant la vie de Suleyman alayhi salam. Et donc la fois dernière, on s'est arrêté sur l'évocation de cette histoire que nous est mentionnée dans le Coran, et plus précisément dans la sourate Naml, An-Naml, dans la sourate La Fourmi. Et donc, dans ces versets, à partir du verset 38, à peu près, ou même avant le verset 38, dans cette sourate Naml, dans la sourate justement de La Fourmi, on a l'évocation de cette histoire. On a l'évocation de cette histoire, l'histoire de cette reine, cette femme qui avait le pouvoir sur cette région à l'époque qui était le Yémen, sur le Yémen. Donc elle avait un royaume qui était au Yémen et justement elle avait ce pouvoir, donc elle dirigeait son peuple. Elle était reine. Et ça c'était à l'époque de Suleyman, le prophète Suleyman. Donc l'histoire, l'évocation de l'histoire de cette reine qui était au Yémen, qu'on appelle la reine de Saba. La reine de Saba. Donc cette histoire nous est évoquée dans le Coran. Et donc vous regardez dans la sourate La Fourmi, à peu près au verset 30. Et là, vous verrez qu'il y a l'évocation et la mention de cette histoire qui est l'histoire de la reine de Saba. La reine de Saba qui est nommée Bilqis. Bilqis, comme vous pouvez retrouver cela dans de nombreux livres où il y a l'exégèse et l'interprétation justement de ces versets relatant l'histoire de la reine de Saba. Donc de nombreux spécialistes et illustres savants nous enseignent que le nom de cette reine était Bilqis, et donc c'était à l'époque, comme on le voit à travers la lecture et la méditation de ces versets, à l'époque de Suleyman. Donc c'est une immense, une grande histoire que nous relate notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans cette sourate. Donc on avait dit que Suleyman, le prophète Suleyman, avait à son service aussi bien des oiseaux, des shayatins, des djinns, des hommes, et Allah jalla wa ala avait mis à son service tout cela. Et cela faisait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit parmi les particularités du prophète Suleyman, contrairement à d'autres, contrairement à ceux qui ont été comblés d'immenses bienfaits et qui ensuite sont plongés dans leur ingratitude, lui, le prophète Suleyman, mashallah, lui était dans la reconnaissance de ses bienfaits. Il reconnaissait que tout cela, que toute cette royauté qu'il possédait, tout cela provenait de son Seigneur, et tout cela faisait partie des grâces et des faveurs de son Seigneur dont Allah Jalla wa Ala l'a comblé. Et pour cela, il était un serviteur reconnaissant et il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi ces oiseaux, on avait dit ces armées d'oiseaux qui étaient à son service, il y avait Al-Hudhud. Il y avait Al-Hudhud qui était la huppe. On avait dit la fois dernière, au début de cette histoire, que alors que Suleyman cherchait après la huppe, alors qu'elle s'était absentée un court moment, et donc elle était absente, alors que lorsque la huppe fit son apparition, elle informa Suleyman de ce qu'elle avait vu, et justement, elle informa Suleyman de ce royaume que possédait une reine. Cette reine de Saba, donc elle lui dit qu'elle possédait un grand arsh, un grand trône, avec de nombreux biens. Elle était dotée et il lui fut accordé de nombreux biens de cette vie d'ici-bas. Mais la huppe avait remarqué aussi quelque chose d'important, et on voit que la huppe, vraiment, elle était, son intention a été attirée beaucoup par cette chose-là, que justement cette reine adorait le soleil. Elle adorait et donc s'adonnait à l'adoration du soleil ainsi que son peuple. Donc c'était un peuple polythéiste. Et la huppe informa donc Suleyman, le prophète Suleyman, de ce qu'elle a vu. Et donc là, on avait appris la fois dernière, et surtout avec le commentaire de Cheikh Saadi, rahimallah, dans son commentaire de ces versets, il dit lorsque la huppe donc a constaté que cette reine s'adonnait à l'adoration du soleil, ainsi que son peuple, la huppe a désapprouvé cela. Elle a désapprouvé cela. Et donc, c'est désavoué de cela, d'un ferme désavouement, ou d'un désaveu plutôt, d'un désaveu ferme. Et pour cela, elle informe Suleyman. Elle informait Suleyman de cela. Et il dit, Cheikh Saadi, dans son commentaire, Ankara al-Hudhud, alayhim rayat al-Inkar. Donc, le Hudhud s'est désavoué et a désapprouvé cela. Et cela indique que même les animaux, donc, glorifient Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que les animaux, eux, ils font le tasbih, ils font la glorification d'Allah. Et ils unifient Allah, ils affirment l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils aiment les croyants. Et donc c'est pour cela que Al-Hudhud a informé donc Suleyman de ça. Donc nous on va continuer sans plus attendre sur la continuité de cette histoire. Donc après qu'elle ait informé Suleyman de cela, alors Suleyman a décidé de renvoyer la huppe avec un message. Avec un message. Pourquoi? Parce que c'est la huppe qui avait découvert ce peuple et cette reine. Comme il est dit dans le verset, la huppe dit à Suleyman, j'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Donc c'est la huppe donc qui informa Suleyman de cette manière. Donc elle décrivit ainsi, comme il dit Ibn Kathir relate en disant que la huppe a décrit ainsi la situation des rois de Saba au Yémen, qui avaient bâti un immense royaume. À cette époque, la royauté avait échu à une femme, qui était la fille donc d'un roi mort sans laisser d'autres enfants qu'elle. Et donc là, Ibn Kathir nous relate que justement, elle a hérité, la reine de Saba a hérité de ce royaume de son père. Et donc, Ibn Kathir nous informe que les rois, à l'époque, au Yémen, il y avait des rois qui avaient bâti un immense royaume, qui était à la tête d'un immense royaume. Et donc, elle, la reine de Saba, elle, c'était la fille, comme relate Ibn Kathir, d'un de ces rois, mais ensuite qui est mort et qui n'avait pas laissé derrière lui d'enfant, que elle. Et donc elle fut l'héritière. Et donc elle a hérité de cet immense royaume. Cet immense royaume doté de biens inestimables. Et donc la huppe, c'est pour cela qu'elle décrit cela en disant que toute chose elle a été comblée. C'est-à-dire que la reine de Saba disposait de tout ce dont roi et monarque peuvent disposer. Comme l'explique Ibn Kathir aussi. Elle disposait de bienfaits immenses et inestimables que, comme dit Ibn Kathir ensuite, il va dire que tout roi et monarque peuvent disposer. C'est pour ça que les informations de la huppe sont pertinentes. Ces informations-là, il décrit bien que, comme la huppe a dit, comme ça nous est relaté dans le verset du Coran, que toute chose, elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. C'est-à-dire, Ibn Kathir nous dit dans l'explication de ce verset qu'elle a un trône magnifique dans le sens que son trône était orné de toutes les variétés de joyaux, de perles, d'or et de pierres précieuses. Et donc la huppe mentionna ensuite, après qu'elle ait mentionné, vous avez vu la description de la huppe, et ensuite que la huppe a décrit justement cela en disant que cette reine donc a été comblée d'immenses bienfaits et aussi Wallaha Arsh et qu'elle a un immense trône. Alors ensuite, la huppe va parler maintenant du côté de la croyance de cette reine. C'est pour ça qu'ensuite, la huppe mentionna leur incroyance et leur adoration du soleil en dehors d'Allah. Le diable les ayant égaré et détourné de l'adoration d'Allah, l'unique sans associé. Donc malgré les bienfaits qu'elle possédait, par contre, elle s'adonnait à l'adoration à autre qu'Allah. Donc elle commettait Shirk, le polythéisme. Et qui c'est que vous cachez? Et aussi, et justement, il est dit dans le verset, et qui c'est ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? C'est-à-dire, l'explication de ce verset, Ibn Kathir nous dit, c'est-à-dire qu'Allah connaît aussi bien le secret que l'apparent. Qu'il s'agisse de choses matérielles ou bien abstraites. Allah a connaissance de tout. Aussi bien du secret, de ce qui est caché, aussi bien de l'apparent. Et que ce soit ces choses cachées ou bien apparentes, que ce soit des choses matérielles ou abstraites, Allah a connaissance de tout cela. Et c'est pour cela que Allah, Jalla wa Ala, il est dit ensuite dans le verset, Allah, point de divinité par lui, le Seigneur du trône immense. Le Seigneur du trône immense. C'est-à-dire que celui qui possède le trône immense, qui n'a pas d'équivalent chez les créatures, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le trône immense qui n'a point d'équivalent, qui n'a aucun équivalent chez les créatures. Alors, pour continuer l'histoire, Suleyman envoya alors la huppe avec un message, lequel il invitait donc la reine, donc dans la lettre de Suleyman, Suleyman dans cette lettre, il invite la reine et ses sujets à l'obéissance d'Allah et son prophète, et donc leur demander de se soumettre à son commandement et son pouvoir. C'est pour cela qu'il dit, ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Et venez à moi à toute soumission. Lorsque Suleyman dit Allah ta'alu alayya, Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ne soyez pas hautain avec moi, une traduction approchée du sens du verset. Allah ta'alu. Et venez à moi en tant que muslimin. Et c'est pour cela qu'ensuite, c'est-à-dire que lorsqu'il dit venez à moi en tant que muslimin, c'est-à-dire venez à moi soumis et obéissant. Et cela sans hésitation. Et certains exégètes, eux, rapportent que la huppe apporta la lettre à la reine, tandis qu'elle se trouvait dans sa retraite. Elle lança la lettre et resta à l'écart en attendant les suites qu'elle lui réserverait. Après avoir lu la lettre, la reine, alors c'est ainsi qu'elle a convoqué les princes, qu'elle a convoqué les ministres et les hauts dignitaires de son royaume afin de les consulter. Et d'ailleurs, c'est dit dans le verset, lorsqu'elle dit ensuite, « Qalat, ya ayyuha al-mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. » Et elle dit donc, « Oh, notable, une lettre m'a été lancée. » Qalat, « Ya ayyuha al-mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. » Et donc, elle informa donc les notables de son royaume qu'une lettre lui a été lancée. Alors, elle leur lut alors le titre de la lettre en leur disant « Et cette lettre vient de Suleyman. »« Innahu min Suleyman, thumma qara'at, wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. » Et donc ensuite, ce qu'on comprend, ce que nous relatent les savants, ce qu'on comprend de ces versets, c'est qu'ensuite la reine de Saba a lu cette lettre assez au notable. A lu la lettre, et donc elle a lu ce qu'a dit Suleyman lorsque elle dit « Innahu min Suleyman ». Donc cette lettre était de Suleyman. « Wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, alla ta'alu alayya wa tuni muslimin ». Et donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, cette lettre vient de Suleyman. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Alors, c'est là qu'ensuite, la reine de Saba, Bilqis, s'adressa donc aux notables et leur demanda ensuite leur avis sur la question en exprimant du respect. Et là, on va voir l'intelligence de cette reine. On va voir son intelligence et l'éducation qu'elle avait. Regardez, elle s'adresse à eux en leur disant « Ô notables, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller en quelque sorte. » Et donc, vous avez vu son respect, comment elle s'adressa à son peuple. « Qalat, ayyuhal mala, aftuni fi amri, ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Alors, elle leur demande leur avis. Elle leur demande, كما قال ابن كثير, ابن كثير dit, ثم شاورتهم في أمرها وما قد تحل وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون. Et donc Ibn Kathir aussi relate qu'elle s'est bien comportée avec un bon comportement, donc elle s'est adressée à eux avec respect. Et alors qu'eux écoutent, ils écoutent ce qu'elle dit, elle leur dit, قالت, يا أيها الملأ, يا أيها الملأ, أفتوني في أمري. Ô vous, les notables, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. Traduction approchée du sens du verset. Et donc, c'est-à-dire qu'elle leur dit qu'elle ne prendrait aucune décision en votre absence. Et donc, eux, ils répondirent, et leur réponse à eux furent قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Eux, ils répondirent, nous sommes forts, notre puissance est terrible. Le commandement cependant t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner. Ça, c'était la réponse de ces notables. Et donc, comme قال ابن كثير, comme le relate ابن كثير, le célèbre exégète, il dit, ils entendent par là qu'ils ont la capacité de combattre et donc de résister vaillamment et qu'en recevant l'ordre de combattre, ils avaient les moyens de le faire, mais malgré cela, le commandement appartient à elle. Comme ils dirent, le commandement cependant t'appartient. Regarde ce donc tu veux ordonner. Donc ils lui exprimèrent ainsi leur soumission tout en l'informant qu'ils étaient capables d'affronter leur ennemi. Ils lui laissèrent le pouvoir par contre de décider avec sagesse et au mieux de leur intérêt. Et en fait, en demeurant, la décision de la reine était plus judicieuse. Au demeurant, Ibn Kathir va dire qu'en réalité, la décision de la reine était plus judicieuse et plus sage que celle de son conseil, de notable, dans la mesure où elle a compris d'emblée que l'auteur de cette lettre ne pouvait être vaincu, ni contredit, ou bien trompé. Elle a compris. Et donc, elle était douée d'une sagacité et d'une intelligence, parce qu'elle avait compris que l'auteur de cette lettre, comme قال Ibn Kathir, lorsque eux lui ont dit قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال والمقاومة الأبطال لكن كانت رأيها أو رأيها أتم وأسد من رأيهم فعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع فعلمت ذلك. Et donc elle, c'est pour ça que, comme dit Ibn Kathir, son opinion était plus judicieuse. Plus judicieuse, pourquoi? Parce qu'elle ensuite, elle dit, comme ça nous est relaté dans le verset, « قالت, إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. » Donc regardez sa réponse devant son conseil de notable. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et grâce, justement, Ibn Kathir va continuer, il dit, grâce à sa perspicacité et à la justesse de son jugement, la reine parvint à convaincre les notables et les ministres de l'utilité de la résistance face à Suleyman en leur disant que s'il les vainquait, alors ce serait elle qui en assumerait la responsabilité et les conséquences fâcheuses. Elle leur dit alors cette proposition. Regardez ce qu'elle va leur dire alors. Elle va leur proposer. Moi, je vais leur envoyer un présent. Je vais leur envoyer un présent et j'attendrai ce que rapporteront les émissaires. Donc ça, c'est sa proposition de ce qu'elle allait faire. Et donc, elle informa les notables et donc son conseil. Pourquoi? Par rapport à ce qu'elle a dit précédemment, que إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Parce qu'en vérité, elle dit, quand les rois entrent dans une cité, ils vont la corrompre. Ils vont faire de ses honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et elle dit, si Suleyman fait cela, et donc les vaincre, va les vaincre, Alors elle dit, c'est elle qui assumera la responsabilité et les conséquences fâcheuses de cela. Donc elle dit, elle a proposé donc, elle a dit qu'elle allait, justement, Qalet, je vais envoyer Inni. مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Donc elle allait envoyer des présents, c'est-à-dire des présents, des cadeaux. Elle a pris la décision d'envoyer des cadeaux à Suleyman et elle dit j'attendrai que les émissaires me rapportent la réponse, en quelque sorte. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Donc elle dit, فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Et donc, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ, ensuite, ils vinrent à Suleyman, qui leur dit, quel présent m'apporter? C'est-à-dire que les émissaires ensuite de Bilqis, de la reine, arrivèrent à Suleyman, comme ça nous est relaté dans le verset suivant. Et lorsque les envoyés de la reine arrivèrent et vinrent à Suleyman, il leur dit, quel présent m'apportez-vous? Ce qu'Allah m'a donné vaut mieux que ce qu'il vous a donné, mais vous êtes tiers de vos présents. C'est-à-dire qu'Ibn Kathir va nous expliquer, à travers ces versets, que les cadeaux étaient de grande valeur. Donc la reine a envoyé des cadeaux de grande valeur et des présents de grande valeur à Suleyman, comme l'ont rapporté les exégètes. Donc les spécialistes ont rapporté cela dans les commentaires de ces versets. Et il dit ensuite à l'émissaire, donc Suleyman dit ensuite à l'émissaire de la reine, et devant toute l'assemblée, retournez à vos gens, nous allons marcher contre eux avec des armées irrésistibles, nous les chasserons de leur pays, ils seront humiliés et avilis. C'est-à-dire que Suleyman n'a pas accepté ces cadeaux. Et donc Suleyman a dit à l'émissaire de la reine, retourne avec ces cadeaux. Il lui a ordonné de retourner avec ces cadeaux vers elle, celle qui l'avait envoyée. Donc c'est elle qui a envoyé ses présents. Car ce qu'il possédait de la part d'Allah, autant de biens qu'en serviteur, était encore plus considérable que ce dont ils se réjouissaient devant leurs semblables. Et là, Suleyman, vous comprenez bien, il lui fait comprendre que lui, ce qu'il a eu de la part de son Seigneur est encore plus grand, est encore plus considérable que ce qu'elle veut bien elle lui donner. Et que vous avez vu, l'affaire des prophètes, c'est de ne pas accepter ces objectifs de cette vie d'ici-bas, ces cadeaux de cette vie d'ici-bas, au compte de la darwa et de son appel. Donc lui, le prophète Suleyman, sur le compte de sa darwa, c'est-à-dire que le prophète Suleyman, son but n'était pas d'être que gratifié par ses biens, son but n'était pas, ce qu'il recherchait, ce n'était pas ses présents. Il ne recherchait pas ces cadeaux-là, mais lui, son but, c'était de l'appeler à Allah seul, à l'obéissance du Créateur unique. C'était ça son but. Mais son but, ce n'était pas les biens de cette vie d'ici-bas. Et ça, c'est l'affaire de tous les prophètes. Et ça, c'est le comportement de tous les prophètes et les envoyés qu'Allah Jalla a envoyés. Quoi qu'on puisse leur proposer, tous les biens de cette vie d'ici-bas, ce n'est pas ça qu'eux veulent. Et eux, justement, ils disaient à leur peuple, on ne veut point de vous de salaire. On ne recherche pas de salaire de votre part. Notre salaire est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, leur but, c'est de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on a un très bel exemple. On a un très bel exemple. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la reine Bilqis n'était pas dupe. Bien au contraire, elle était douée de sagacité et de perspicacité. Du fait que lorsqu'elle envoie ses cadeaux, ses présents, ils étaient considérables, hein, et onéreux et de grande valeur. Là, elle va voir justement la véracité du message de Suleyman ou non. Pourquoi? Parce que les rois, de règle générale, les rois, en principe, ce qu'ils recherchent, c'est les biens de cette vie d'ici-bas. Donc les présents et les cadeaux de valeur, onéreux, précieux, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils recherchent. Donc c'est comme ça que ces gens-là, on peut les acheter. Ces gens-là, on peut les acheter avec des présents onéreux, avec des cadeaux précieux, ces rois-là, on peut les acheter de cette manière-là, puisque c'est ça le but de leur vie, c'est ce qu'ils recherchent dans cette vie d'ici-bas. Ils recherchent les honneurs, la gloire, ils recherchent la richesse, ils recherchent les cadeaux précieux, et donc ils recherchent l'ornement. Et donc en envoyant ces cadeaux, La reine de Saba, Bilqis, est intelligente du fait qu'elle va voir est-ce que Suleyman est un simple roi ou non. Et là, lorsque Suleyman va lui faire retourner ses cadeaux, en disant que lui, il n'a que faire de ses présents, même s'ils sont de valeur, même s'ils sont précieux, ce qu'il a auprès d'Allah est meilleur, et ce qu'Allah lui a donné et lui a accordé comme bienfait est meilleur et est encore plus considérable que cela. Et d'abord, le message de Suleyman, c'est de lui transmettre le message de son Seigneur et de ne pas justement se faire acheter par ces cadeaux-là. Et donc, c'est pour ça qu'il va renvoyer l'émissaire de la reine. Mais ensuite, lorsqu'il envoie l'émissaire de la reine, il les menace. Nous allons marcher contre eux avec des armées irrésistibles. Nous les chasserons de leur pays, ils seront humiliés et avilis. Donc c'est pour ça que Suleyman a fait retourner l'émissaire avec ses cadeaux et ce message. Et lorsqu'il dit nous allons marcher contre eux, c'est-à-dire Ibn Kathir nous dit que je vais leur envoyer des armées contre lesquelles toute résistance, toute lutte et toute opposition serait vaine. Ils les feront sortir de leur cité humiliée et méprisée. Dans le sens, et dans le verset il est dit et méprisée, ils seront battus avilis et méprisés. Voyant la fierté et la dignité du noble prophète Suleyman, ils n'eurent d'autre alternative que l'obéissance et la soumission. De ce fait, comme nous relate Ibn Kathir, comme ça va être relaté dans le verset suivant, de ce fait, ils s'empressèrent de lui répondre sur le champ et se rendirent tous chez Suleyman, accompagnés de leur reine. Soumis, résignés et obéissants. Informé de leur arrivée imminente, Suleyman demanda alors à sa cour de djinns, qui étaient soumis à lui, à son pouvoir, ce qu'Allah Jalla mentionne dans le verset qui arrive. Donc regardez, lorsque donc l'émissaire de la reine est revenu, alors lorsqu'ils ont vu le message, la reine et ses notables, son conseil, lorsqu'ils ont vu le message de Suleyman, ce message ferme, et cette détermination à ne pas accepter ces cadeaux précieux, et ses présents qui étaient onéreux et précieux, de ne pas les accepter, mais il avait un message à lui transmettre. Alors ensuite, ils se sont soumis à l'ordre de Suleyman. Et donc ensuite, ils vinrent à Suleyman. Ils se rendirent à la rencontre de Suleyman, la reine et son conseil et son peuple. Et c'est notable. Alors il dit aux notables, ensuite, lorsque Suleyman, lui, fut informé de la venue de la reine et de son peuple, parmi les notables et les élites de son conseil, alors Suleyman s'adressa, lui, aux notables de son peuple, en leur disant, de son armée, en leur disant, aux notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il vienne à moi soumis? Et donc Suleyman fait une demande. Fait une demande. Il dit, qui est-ce d'entre vous qui va ramener le trône de cette reine, qui me ramène le trône de cette reine. Imaginez-vous, du Yémen, il fallait rapporter le trône du Yémen jusqu'à Suleyman. Et là, Suleyman leur fait la demande, qui est-ce qui me ramènerait ce trône? Alors un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Suleyman a vu le trône installé auprès de lui, il dit, cela provient de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver, si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Et là, regardez. Et donc là, c'est la traduction relative des versets que je vous ai lus pour qu'on puisse avancer. Et donc là, alors, des djinns lui ont proposé de lui rapporter le trône. Le premier dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Et un autre dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Et là, le trône lui fut rapporté à Suleyman. Le trône de la reine fut devant lui. Subhanallah. Regardez. Mais regardez ces grâces, regardez ces faveurs. Un homme, à ce moment-là, il peut oublier le rappel de son Seigneur. C'est pour ça que ces histoires ont des. Il y a de nombreuses leçons à tirer. Il peut oublier le rappel de son Seigneur et être ébloui par ses grâces et par ses faveurs. Et ensuite sombrer un peu dans l'aveuglement. Oublier. que cela vient du Seigneur. Mais regardez Suleyman, lorsqu'il a vu le trône devant lui, lorsqu'il a vu cela, il a dit, cela provient de la grâce de mon Seigneur. En aucun cas, il va faillir. En aucun cas, il va oublier. Tout de suite, Suleyman, il dit, cela fait partie de la grâce de mon Seigneur. Il n'y a aucun oubli. À aucun moment, il sera ébloui par ces bienfaits-là en se disant et que cela va lui faire oublier son Seigneur. Il va savoir que ces biens qui sont immenses, que cela provient de son Seigneur. C'est pour ça, dès que le trône lui fut rapporté dans les versets, il est dit, cela provient de la grâce de mon Seigneur. Et regardez ce qu'il dit, pour m'éprouver, pour me tester, est-ce que je vais le remercier ou non? Et ça, c'est une grande leçon à tirer pour nous-mêmes. À chaque fois qu'on est comblé d'un bienfait de la part d'Allah, lorsqu'on est touché par un bien, il faut se remémorer tout de suite que cela vient d'Allah. Tout de suite, il va avoir à l'esprit se faire le rappel que ces bienfaits viennent d'Allah. Et aussi, tout de suite, il faut avoir ce réflexe de remercier Allah pour ses bienfaits. Parce que Shaitan peut faire oublier à l'individu. Et il veut faire sombrer l'individu dans l'oubli, que cela provient d'Allah. Et donc l'individu va oublier de remercier Allah. Et regardez Suleyman, il faut tirer exemple et modèle de cela, alors que c'est un grand bienfait. C'est quelque chose d'immense. C'est miraculeux ce qui se produit. Le trône de la reine lui parvient en un instant, l'espace d'un clin d'œil. Il vient du Yémen à lui, alors que lui se trouve en Palestine, comme c'est mentionné par de grands spécialistes. Et lui, tout de suite, il n'oublie pas que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas ébloui par cela, du fait que cela va le faire oublier le rappel de son Seigneur. Et il sait, il dit, et cela c'est peut-être un test, une épreuve de mon Seigneur. Est-ce que je serai reconnaissant? Est-ce que je vais le remercier ou non? Et donc, alors, il remercia son Seigneur. Il remercia. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, quiconque est reconnaissant l'est dans son propre intérêt, et quiconque est ingrat, cela est à son détriment. Regardez dans le verset, Allah Jalla wa Ala, justement, lorsque Suleyman va dire, cela est une épreuve de mon Seigneur, est-ce que je serai reconnaissant, est-ce que je vais le remercier ou non? Ou non? Regardez, ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, lorsque Suleyman a dit, قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه ثم قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي إنما يعود نفع ذلك علي. C'est pour ça que celui qui remercie, il remercie pour sa propre personne, c'est pour son intérêt à lui. إنما يعود نفع ذلك علي. Le bienfait de ce remerciement, ensuite, ça revient à lui. Allah va le gratifier pour cela. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Par contre, celui qui mécroit et qui fait preuve d'ingratitude, qui ne remercie pas son Seigneur, qu'il sache que son Seigneur est هو الغني, c'est le riche, celui qui détient tout, الكريم, le généreux, subhanahu wa ta'ala. Et cela ne cause aucun tort à Allah que les gens soient ingrats. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour terminer, alors, ensuite, Suleyman, lorsqu'il fait preuve de gratitude, alors il dit, cela provient de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je le remercie ou bien je serai ingrat. Quiconque est reconnaissant l'est dans son propre intérêt, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est le généreux. Et Suleyman dit, rendez-lui son trône méconnaissable. Rendez-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Quand elle arriva, la reine, donc de Saba, il nous est relaté dans le verset, quand elle arriva, on lui dit, ton trône est-il ainsi? Elle dit, il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est lui. Suleyman dit, le savoir nous a été donné avant elle. Et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie du peuple négateur. On lui dit alors, entre dans le palais, puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde. Et elle se découvrit les jambes. Alors Suleyman lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Suleyman, le Seigneur. Je me soumets avec Suleyman à Allah, le Seigneur de l'univers. Et donc là, c'était la traduction relative des versets, du sens de ces versets. Et donc, Ibn Kathir, il nous dit, lorsque Suleyman ordonna au djinn, qui était soumis à son pouvoir, de lui apporter le trône de la reine Bilqis, de la reine de Saba, un djinn de redoutable, donc, lui a dit, je te le rapporterai. L'un lui a dit, avant même que tu te lèves de ta place, et l'autre lui a dit, avant même que tu puisses cligner de l'œil. Et donc, lorsqu'il a demandé le trône, il attendait par là, avant que la réunion de ce conseil ne se termine, cette réunion, rapporte-t-on, commençait au début de la journée pour s'achever à midi. Comme il est rapporté, des exégètes, les spécialistes rapportent que cette réunion a commencé au début de la journée pour s'achever à midi et était consacrée à l'examen des tâches et aux travaux des enfants de Banu Israël. Alors, lorsque Suleyman dit quelqu'un qui avait une connaissance du livre, alors lui, quelqu'un qui avait une connaissance du livre, qui a dit qu'ensuite, moi, je te rapporterai ton trône, le trône de Bilqis, de cette reine. Ibn Kathir dit la thèse la plus célèbre quant à l'identité de ce personnage, celui qui dit quelqu'un, ou celui dont il est dit dans le verset, quelqu'un qui avait une connaissance du livre. Qui était celui qui avait la connaissance du livre? Ibn Kathir dit la thèse la plus célèbre quant à l'identité de ce personnage, qu'il s'agit d'un homme qui était le cousin maternel de Suleyman. Un homme qui était le cousin, comme on dit, hein, maternel de Suleyman. On dit aussi qu'il s'agissait d'un croyant parmi les djinns, qui connaissait le nom de suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des choses qui ont été dites. Certains ont dit que c'était un cousin maternel de Suleyman, d'autres ont dit que c'était un djinn croyant. Donc les exégètes ont expliqué cela et ont émis des avis concernant ce personnage dont il est fait allusion dans le verset lorsqu'il est dit quelqu'un avait une connaissance du livre. Qui fut cette personne? Alors il y a eu des hypothèses et des thèses qui ont été relatées dans les livres d'exégèse. Et donc, celui qui a dit « je te l'apporterai le trône » d'un clin d'œil. Le sens est, dit-on, que le trône sera devant toi avant que tu n'aies envoyé un émissaire au point le plus éloigné de la terre que ton œil peut atteindre et qu'il ne revienne vers toi. Cela veut dire, selon une autre version, avant que ne vienne à toi la personne la plus éloignée que ton regard peut embrasser. On dit encore que cela veut dire avant que ton œil ne se fatigue et ne se ferme lorsque tu regardes fixement quelque chose. Donc, vous avez vu ces différentes explications qui ont été dites. Et un dernier avis relate Ibn Kathir, il dit « soutient que cela veut dire avant que tu n'aies cligné de l'œil, après avoir dirigé le regard le plus loin possible, et c'est là l'avis le plus plausible, le plus juste, que relate Ibn Kathir. » Quand ensuite Suleyman a vu le trône installé, comme on a dit, c'est-à-dire, lorsqu'il vit le trône de Bilqis, de la reine de Saba, qui se trouve au Yémen, amené à Jérusalem, comme on a dit précédemment, en si peu de temps. Alors il dit, comme on l'a dit précédemment, cela fait partie de la grâce de mon Seigneur. Donc Suleyman demanda ensuite qu'on changeât les joyaux. Donc il a demandé que le trône ensuite soit changé, qu'on changeât les joyaux ornant le trône, et que l'on transforma afin de tester l'intelligence et le degré de perspicacité de la reine. Donc il a demandé que le trône soit modifié, que ces joyaux qui ornaient le trône soient transformés. Et ça, regardez, c'était pour tester, comme dit Ibn Kathir, la perspicacité et l'intelligence de Bilqis. C'est pour cela, ensuite, il est relaté dans le verset. Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Et sa réponse atteste que sa grâce perspicacité et de sa vivacité d'esprit. La réponse de Bilqis, elle atteste de cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'ensuite Bilqis, la reine de Saba, vit le trône, et lorsqu'on lui posa la question « Est-ce que c'est ton trône ?» Ton trône est-il ainsi? Regardez la réponse de la reine. Elle dit, il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est lui. Regardez sa réponse. Et sa réponse, justement, prouve la perspicacité et la vivacité d'esprit de cette reine, car elle ne pouvait concevoir que son trône, laissé au Yémen, soit arrivé jusqu'à Jérusalem, en si peu de temps, et qu'il y ait quelqu'un capable de cet acte extraordinaire. Elle pouvait concevoir cela. Mais ce trône aussi ressemblait à son trône. Et donc, lorsqu'elle vit cela, Allah, en parlant de Suleyman et de son peuple, dit « Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple négateur. » Ibn Kathir nous dit, c'est-à-dire que son adoration du soleil devant lequel et son peuple se prosternaient en dehors d'Allah procédait de la conformité à la religion des ancêtres et ne s'appuyait pas sur quelques preuves. C'est-à-dire qu'eux, en vérité, ils suivaient la religion de leurs ancêtres, mais ils s'appuyaient sur aucune preuve, aucun argument plausible. Suleyman, donc, avait demandé qu'on construise un palais en cristal. Et donc, on va comprendre, lorsqu'ensuite il va faire rentrer la reine dans le palais, Suleyman, lui, ce qu'il faut savoir avant, il avait demandé qu'on construise un palais en cristal et qu'on y installe un passage en cristal sous lequel coulait de l'eau. Imaginez-vous, c'était quelque chose de magnifique. Imaginez-vous, c'est bien que possédait Suleyman à cette époque, il y a des siècles et des siècles et des siècles de cela. Et donc, il avait ordonné qu'on construise un palais en cristal et qu'on y installe un passage en cristal sous lequel coulait de l'eau et où évoluaient des poissons et des animaux aquatiques. À son arrivée, comme relate Ibn Kathir dans son exégèse, à son arrivée, la reine de Saba, lorsqu'elle fut invitée à rentrer dans le palais, tandis que Suleyman, assis sur son trône, l'attendait à l'intérieur. Alors, lorsqu'il lui fut dit, ordonné de rentrer, puis quand elle le vit, maintenant les versets, regardez la traduction hâtive des versets, quand elle le vit, elle prit pour de l'eau profonde. Elle le prit pour de l'eau profonde. Et donc, elle se découvrit les jambes pour passer. Et alors, Suleyman lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Suleyman à son Dieu, à Allah, Seigneur de l'univers. Et c'est pour cela que on voit à travers ces versets que Suleyman, vraiment, Allah Jalla Wa'ala, lui a accordé des faveurs immenses. Des faveurs immenses. Et c'est pour cela que la reine, il est dit, lorsqu'elle rentra, et lorsqu'elle a vu ses nombreux bienfaits, ces bienfaits immenses que possédait Suleyman, alors elle a vu que Suleyman avait vraiment reçu la prophétie d'un seigneur. Et donc elle attesta de la véracité de Suleyman, et que Suleyman était réellement un prophète, et que Suleyman était réellement prophète et messager. C'est pour ça qu'ensuite elle s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour pas être trop long, inshallah. Et juste un petit rappel, deux petits rappels avant de conclure. Donc le premier rappel, n'oubliez pas que ce soir, donc c'est la 21e nuit. Donc là, on est là, le 20e jour du Ramadan, le 20e jour. Et à partir de la prière du Maghrib, du coucher du soleil, lorsqu'on fait l'iftar, la rupture de notre jeûne de la journée, on va rentrer dans la nuit. Dans la nuit du 21. Dans la nuit du 21. Donc on sera dans la 21e nuit. Et les savants nous disent que justement, les 10 dernières nuits commencent à la 21e. Commencent à la 21e. Donc c'est des nuits qui sont précieuses. Ces nuits-là, lorsqu'elles viennent, ce sont juste 10 nuits. 10 nuits dans l'année. Lorsqu'elles repartent, elles ne reviendront que l'année prochaine, si Allah le permet. Et donc les gens ne savent pas s'ils seront présents l'année prochaine. C'est un temps précis, ce sont des nuits précises, le temps est court, les moments seront, ça va passer à une rapidité, les jours vont passer très vite, avec une rapidité immense, le temps passe très vite, ça fait partie des signes de la fin des temps. Le prophète dans un hadith nous dit « La taqoum as-sa'a hatta yataqarrab az-zaman » Les derniers temps, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rapprochera. Le temps deviendra court. Fatakun sana kashar. Et l'année deviendra comme un mois. Et le mois kajumu'a. Et le mois deviendra comme une semaine. Wal jumu'a kayum. Et la semaine deviendra comme un jour. ça sera l'équivalent d'un jour. Et là, on voit que ça, c'est les signes de la fin des temps. Comme nous rate le prophète, ensemble, le temps passe très vite. Donc le temps, ces jours-là, regardez, il y a très peu de temps, très peu de temps de ça, on parlait de l'arrivée du mois du Ramadan. Et on parlait comment accueillir le mois du Ramadan. Et la joie qu'ont les musulmans, cette joie qu'ont les musulmans d'accueillir le mois du Ramadan. Ensuite, le mois du Ramadan a commencé, on est entré dans le mois du Ramadan. Et on commence à parler du jeûne, on commence à parler de l'importance de ce mois, que ce mois est béni, que les démons sont enchaînés, que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont enfermées. On parlait que Allah Jalla chaque nuit, chaque jour, a des affranchis de l'enfer, et c'est le mois du pardon, Allah pardonne. Et on parlait des bienfaits de ce mois. Aujourd'hui, là, on parle des derniers jours de ce mois. On parle des dernières nuits de ce mois. C'est-à-dire que ce mois est bientôt fini. Le mois du Ramadan est bientôt fini. Et donc là, aujourd'hui, on parle de la fin de ce mois, des 10 dernières nuits qui vont passer très vite. Et ensuite, si Allah nous accorde de vie, dans très peu de temps, on va parler ensuite de la fin du Ramadan. Et c'est pour cela qu'il faut saisir ces occasions, ces instants qui sont précieux. Ces instants qui sont précieux, peut-être qu'ils vont plus se renouveler pour certaines personnes s'ils ne vivent pas pour le prochain Ramadan. C'est pour cela que ces instants, ces moments sont précieux. Il faut se racheter. Il faut investir pour son au-delà. Et là, justement, en œuvrant pendant ces nuits à la lecture du Coran, à l'évocation d'Allah, à invoquer Allah, à faire du dhikr, à faire du rappel. Et justement, le prophète, comme ils ont dit dans le hadith, il passait ses nuits à l'adoration d'Allah ce printemps-là. Et donc, les savants ont dit que lorsqu'il dit passer ses nuits, ça peut, dans l'éventualité, la probabilité, ça peut sous-entendre toute la nuit, comme ça peut sous-entendre la majeure partie de la nuit. Comme ça peut sous-entendre ces deux sens, toute la nuit ou la majeure partie de la nuit. Et le prophète, alors, réveillait sa famille, réveillait ses épouses. Et donc, il levait ses épouses et il était dans l'adoration d'Allah. Donc, dans ces nuits-là, il y aura la Laylatul Qadr. Il y aura la nuit du destin. C'est pour cela qu'il faut s'efforcer d'œuvrer, de saisir ces instants qui ne reviendront plus. Et les morts aujourd'hui, s'ils pouvaient donner tout pour revenir, ils reviendraient. Donc, c'était un premier rappel. Deuxième rappel, aussi parmi les grandes œuvres en ce mois du Ramadan, le fait de faire beaucoup d'aumônes. Le fait de faire beaucoup d'aumônes. Et vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent lorsqu'il nous appelle à faire les bonnes œuvres, il nous appelle à dépenser. À dépenser. Pourquoi? Parce que la dépense prouve l'hymen de la personne. La dépense, ça prouve l'hymen de la personne. C'est pour ça, dans le verset, lorsqu'il est dit que la personne, s'il pouvait revenir pour faire les œuvres pieuses, il dirait قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. Il dirait si, oh Seigneur, si tu pouvais me faire revenir pour que je fasse une œuvre pieuse, des bonnes œuvres. Et dans un autre verset, il est dit il اصدق. Et je ferai des aumônes. Je ferai des aumônes. C'est-à-dire que même le défunt, le mort, s'il pouvait revenir pour faire les bonnes œuvres, et parmi ces bonnes œuvres, le fait de faire des aumônes. De faire des aumônes. Donc, j'attire votre attention sur cela, le fait que c'est un mois de générosité, le fait de donner pour Allah, et la donation, l'aumône, prouve l'iman. C'est pour ça que souvent c'est lié dans les textes à la foi. Celui qui donne pour Allah sans chercher de compliments, sans chercher d'éloges des gens, sans rien chercher si ce n'est l'agrément de son Seigneur, alors Allah l'élèvera auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Cette personne sera élevée et sera bien récompensée. Sera bien récompensée. En l'occurrence, parmi les bonnes actions qu'on pouvait faire, aider les mosquées, en l'occurrence la mosquée de Maison Alfort, toujours sollicite votre aide. Et pour cela, il y a des facilités. Vous pouvez passer par PayPal ou par carte ou autre. En tout cas, la mosquée vous sollicite pour l'aide, pour tout ce qui est charge de la mosquée, pour le bon fonctionnement de la mosquée, pour le fonctionnement annuel. Et donc, Wallahu a'lam, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك